bagnole. Misère. Je trouve que c'est mon petit jouet. Je me suis fait surtout bien non. Thank you. Thank you. tu vas pas avoir écouté parce que t'as pris un air, je sais pas, tes yeux avaient une certaine fixité, comme si tu venais le monde. Pourquoi c'est dit quoi?